des réponses à mes doutes, engagé sur une autre route. Quel avenir, quel horizon, ces questions hantent mes saisons. Que sommes-nous en droit d'espérer? J'ai encore le droit de rêver. Je cherche une place dans cet atome, pouvoir déloger mes fantômes. La réalité me rappelle, c'est un boulet sous mes semelles. Comment pourrais-je m'en défaire? Dans ma bouche comme un goût amer. Et cette étrange sensation que le monde ne tourne pas rond. Des siècles de salive, mais aucun remède à la crise. On peut tout refaire, c'est à nous de tordre la terre par le cou, peindre l'univers. Pourquoi pas, brûlons nos chimères. Rejoins-moi, afficher nos joies au grand jour. Affirmer sa foi, son amour. Qu'importe les lois et les peines, unissons nos voix, plus de chaînes. Égaré sans aucun repère, j'ai perdu la clé du mystère. J'aimerais pouvoir écrire l'histoire d'une terre qui retrouve l'espoir. Peut-on se remettre en question, trouver ensemble des solutions, chasser de nos nuits les angoisses, que je retrouve enfin ma place. On peut tout refaire, c'est à nous de tordre la terre par le cou, peindre l'univers. Pourquoi pas, brûlons nos chimères. Rejoins-moi, afficher nos choix au grand jour. Affirmer sa foi, son amour. Qu'importe les lois et les peines, unissons nos voix.